navale, le cours c'est du vent qui commence par le bruit encadré de l'océan, donnant vie les fonctions voguant contre l'écume, trouvant l'infini en vain, mais jamais la fortune. Tu as compris alors que le néant c'est un, pareil que la plénitude, tu en parles rarement car les hivers sont rudes. Tu sors ta calculette et tu retentes le challenge. Ta Texas instrument indique le mode revenge. C'en est venu au point que tu puisses tout expliquer. L'appellation s'est bloquée avec le mode de vie. Arrondir les angles, voilà le prochain level. Les sciences avancent et déblayent à toute pelle. Côté en mode calculette avec des degrés et des radians, des fonctions, des cosinus. On t'a sûrement appris jadis la fable de l'ours et du vent qui commence par le nombre pi encadré de l'océan, donnant au fil des fonctions voguant contre l'écume, trouvant l'infini en vain, mais jamais la fortune. Tu as compris alors que le néant c'est un, pareil que la plénitude, tu en parles rarement car les hivers sont rudes. Tu sors ta calculette et tu retentes le challenge. Ta Texas instrument indique le mode revenge. C'en est fallu de peu que tu puisses tout expliquer. L'intégration s'est bloquée avec le mode degré. Arrondir les angles, voilà le prochain level. Les sciences avancent et déblayent à coups de pelle. Bordas est là pour t'aider, pas la peine de suffoquer. Yvon et Roger mathématisent toute la beauté. En mode calculette avec des degrés et des radians, des fonctions, des cosinus.